incroyable dirait en lançant c'est tout le sail et tu prends encore et tu prends encore à dire tant de belles choses qui sembrent ligabouées. Sous-titrage Société Radio-Canada.